me souviens quand je l'ai rencontré. Cette vie au regard fascinant, je me souviens quand je l'ai rencontré. Cette vie au regard fascinant. Chaud. Je me souviens de ce visage qui me souriait. Aïe, aïe, aïe, j'ai envie de le revoir. Je me souviens de ce visage qui me souriait. Aïe, aïe, aïe, j'ai envie de le revoir. Dès que tu sois loin, si loin de moi, Madilia, j'ai envie de te revoir. Dès que tu sois loin, si loin de moi, Madilia, j'ai envie de te revoir. Tu n'es que la seule qui puisse me réchauffer, Madilia, j'ai envie de te revoir. Tu n'es que la seule qui puisse me rendre heureux, Madilia, tu vas me rendre fou, Madilia, Madilia, Madilia, Adilia, show. Adilia, Adilia, show. Adilia, Adilia. Moi que je cherche tout partout.